Maxi Sud. Alors moi je la regarde l'année 2026 avec d'abord des yeux lucides hein, et la pleine conscience de tout ce qui aujourd'hui est inquiétant, angoissant parfois même pour tous nos concitoyens. Je la regarde aussi en me disant que c'est probablement l'année du local. L'année du local, pourquoi ? Parce que d'abord c'est l'année des municipales et que ce rendez-vous il est incontournable pour les Français dans leur ensemble, pour les Aveyronnais je crois singulièrement parce qu'ils sont très attachés à leur proximité, aux élus qui au quotidien les servent et que le renouvellement démocratique qu'on va vivre dans les semaines qui arrivent, il est capital. Il est capital parce qu'il va redonner un élan de confiance, je l'espère, dans la chose publique. Et pour nous, département, c'est aussi un moment assez central parce que la commune, les communautés de communes sont des partenaires essentiels de la collectivité départementale et on s'efforce d'être au rendez-vous de leurs ambitions, de leurs projets pour les accompagner le mieux qu'on peut. C'est l'année du local aussi parce que j'ai souvent dit... Quand les choses se passent difficilement nationalement, on n'a pas de budget, on a un climat assez dégradé avec les agriculteurs, on a des crises multiples qui sont à nos portes en Europe, un peu plus loin dans le monde, il y a une forme de descente de charge sur les épaules des responsables locaux. Moi, je la ressens pleinement tous les jours dans mes missions et je crois que ça exige de nous encore plus de détermination, encore plus d'énergie, encore plus de volonté de satisfaire. Et donc nous, on a engagé beaucoup de chantiers au cours des 4 dernières années, des chantiers structurels, c'est-à-dire qu'on a voulu repenser l'action départementale dans ses fondamentaux pour la tourner vers l'innovation, vers la modernité, pour la rendre plus visible, plus compréhensible, plus adaptée aussi au quotidien de chacun. Et donc chacune de ces compétences que nous avons, chacune des missions qui sont les nôtres, on les embrasse en ayant à cœur de faire en sorte qu'on les projette pour les 10 ans à venir vers la meilleure action possible. Je prends quelques exemples sur l'accompagnement du vieillissement qui est un sujet pour le département de l'Aveyron avec une courbe démographique qui nous y porte vraiment. On veut vraiment maintenant aller vers la modernisation de tous les services à domicile, vers l'évolution aussi des établissements médicalisés, vers une réflexion sur le continuum de prise en charge pour qu'il n'y ait pas de rupture entre le moment où on a juste besoin d'être un peu assisté et le moment où on a besoin d'aller dans un établissement très médicalisé. Autre exemple, le département de l'Aveyron s'est énormément désenclavé dans les 30 dernières années, mais ce n'est pas fini. Et nous, on a encore des projets d'infrastructures importants. On a achevé le déploiement de la fibre là, maintenant, et on a des projets d'infrastructures routières. Je ne peux pas ne pas citer la RN88 sur laquelle on va franchir une étape, mais il y a d'autres routes aussi sur lesquelles il faut qu'on agisse. Et aujourd'hui, faire une route, ce n'est pas tout à fait la même chose que dans les années 80. Donc ça prend du temps pour les études, ça prend du temps pour la concertation, ça prend du temps pour convaincre que c'est nécessaire. Mais on veut continuer de le faire. Et puis on a aussi des ambitions bâtimentaires parce qu'on a un parc de collège qu'il faut remettre au goût du jour, rendre plus performant énergétiquement parce qu'on a le projet du palais épiscopal dont j'ai eu l'occasion de parler, dont j'aurai l'occasion de reparler prochainement. Et enfin, les élus municipaux sont renouvelés et nous, on a à cœur d'avoir les moyens d'accompagner les projets qui vont fleurir partout dans le département parce qu'on sait très bien qu'une des forces de l'Aveyron, c'est d'avoir de la population répartie sur tout son territoire et on veut que ça dure. Le palais épiscopal, d'abord, que chacun soit bien rassuré, on ne va pas changer son apparence générale. C'est un édifice qui mérite tellement de soins qu'on va le restaurer, mais le restaurer avec beaucoup de précautions et donc ne pas modifier l'allure qu'il a. En revanche, on va lui donner des fonctions qu'il n'a jamais eues. Il a été palais de l'évêque, il a été préfecture, il n'a jamais été un lieu ouvert au public. Il n'a jamais été accessible à tous tout le temps, c'est ce qu'il va devenir. Et il n'a jamais été non plus le lieu où l'on présente ce que l'Aveyron a de plus beau, ce que l'Aveyron a eu de plus beau par le passé et ce que l'Aveyron aura de plus beau dans le futur. Et c'est ça notre ambition. Alors moi je ne veux pas en dire beaucoup plus parce que je veux attiser positivement la curiosité de ceux qui vont le découvrir lorsque nous aurons fini les travaux. Ce que je peux dire par contre c'est que les travaux ils ont commencé, qu'ils vont se dérouler tout au long de l'année 2026 et 2027, parce que ce n'est pas un petit chantier, et qu'au fil de ces mois, on va égrener quelques photographies, quelques cartes postales pour donner envie d'y venir.